Chapitre 62e, Pitou orateur. Cependant, en arrivant à Villers-Cotterêts vers les 10 heures du soir, après en être parti 6 heures auparavant, et avoir fait dans l'intervalle l'immense tournée que nous avons essayé de décrire, Pitou comprit que, si triste qu'il fût, mieux valait s'arrêter à l'hôtel du Dauphin et coucher dans un lit que coucha la belle étoile, sous quelque hêtre ou sous quelque chêne de la forêt. Car de coucher dans une maison d'Aramon, en y arrivant à 10h30 du soir, il n'y fallait pas songer. Il y avait 1h30 que toutes les lumières étaient éteintes et toutes les portes fermées. Pitou s'arrêta donc à l'hôtel du Dauphin, où, moyennant une pièce de 30 sous, il eut un excellent lit, un pain de 4 livres, un morceau de fromage et un pot de cidre. Pitou était à la fois fatigué et amoureux, fourbu et désespéré. Il en résulta entre le physique et le moral une lutte dans laquelle le moral, vainqueur d'abord, finit par succomber. C'est-à-dire que de 11 heures à 2 heures du matin, Pitou gémit, soupira, se retourna dans son lit sans pouvoir dormir. Mais à 2 heures du matin, vaincu par la fatigue, il ferma les yeux pour ne les rouvrir qu'à 7 heures. De même qu'à 10h30 du soir, tout le monde est couché à Aramon, à 7 heures du matin, tout le monde est levé à Villers-Cotterêts. Pitou, en sortant de l'hôtel du Dauphin, vit donc de nouveau son casque et son sabre attirer l'attention publique. Il se trouva donc, après avoir fait 100 pas, le centre d'un rassemblement. Décidément, Pitou avait conquis une énorme popularité dans le pays. Peu de voyageurs ont une pareille chance. Le soleil, qui, dit-on, luit pour tout le monde, ne luit pas toujours avec un éclat favorable pour les gens qui reviennent dans leur patrie avec le désir d'y être prophète. Mais aussi, il n'arrive pas à tout le monde d'avoir une tante acariâtre et avare jusqu'à la férocité, comme était la tante angélique. Il n'arrive pas à tout Gargantua capable d'engloutir un cocori de pouvoir offrir un petit écu aux ayants cause de la victime. Mais ce qui arrive moins encore à ces revenants, dont l'origine et les traditions remontent à l'Odyssée, c'est de revenir avec un casque à la tête, un sabre au côté, surtout lorsque le reste de l'accoutrement n'est rien moins que militaire. Car disons-le, c'était surtout ce casque et ce sabre qui recommandaient Pitou à l'attention de ses concitoyens. Sauf les chagrins amoureux qui avaient frappé Pitou à son retour, on voit que toutes sortes de bonheurs lui étaient échus en compensation. Aussi, quelques habitants de Villers-Cotterêts, qui avaient accompagné la veille Pitou de la porte de l'abbé Fortier, rue de Soissons, à la porte de la tante Angélique, au Pleu, résolurent-ils, pour continuer l'ovation, de conduire Pitou de Villers-Cotterêts à Aramon. Ce qu'ils firent comme ils avaient résolu, et ce que voyant les habitants d'Aramon, les sudis habitants d'Aramon commencèrent à apprécier leurs compatriotes à sa juste valeur. Il est vrai de dire que déjà la terre était préparée à recevoir la semence. Le premier passage de Pitou, si rapide qu'il eût été, avait laissé une trace dans les esprits. Son casque et son sabre étaient restés dans la mémoire de ceux qu'il avait vus à l'état d'apparition lumineuse. En conséquence, les habitants d'Aramon, se voyant favorisés par ce second retour de Pitou qu'ils n'espéraient plus, l'entourèrent avec toutes sortes de marques de considération en le priant de déposer son attirail guerrier et de poser sa tente sous les 4 tilleuls qui ombrageaient la place du village, comme on priait Mars en Thessalie, aux anniversaires de ses grands triomphes. Pitou daigna d'autant plus facilement y consentir que c'était son intention de fixer son domicile à Aramon. Il accepta donc l'abri d'une chambre qu'un belliqueux du village lui loua toute meublée. Meublé d'un lit de planches avec une paillasse et un matelas, meublé de 2 chaises, d'une table et d'un pot à eau. Le tout fut estimé, par le propriétaire lui-même, à 6 livres par an, c'est-à-dire au prix de 2 plats de cocori. Ce prix arrêté, Pitou prit possession du domicile en payant à boire à ceux qui l'avaient accompagné, et comme les événements, non moins que le cidre, lui avaient monté la tête, il leur fit une harangue sur le seuil de sa porte. C'était un grand événement que cette harangue de Pitou. Aussi, tout Aramon fit-il cercle autour de la maison. Pitou était quelque peu clair. Il connaissait le beau dire. Il savait les 8 mots avec lesquels, à cette époque, les arrangeurs de nations, c'est ainsi que les appelait Homer, faisaient mouvoir les masses populaires. De Monsieur de Lafayette à Pitou, il y avait loin, sans doute, mais d'Aramon à Paris, quelle distance! Moralement parlant, bien entendu. Pitou débuta par un exorde dont l'abbé Fortier lui-même, si difficile qu'il fût, n'eût pas été mécontent. « Citoyens, dit-il, concitoyens. Ce mot est doux à prononcer. Je l'ai déjà dit à d'autres Français, car tous les Français sont frères. Mais ici, je crois le dire à des frères véritables, et je trouve toute une famille dans mes compatriotes d'Aramon. Les femmes, il y en avait quelques-unes dans l'auditoire, et ce n'étaient pas les mieux disposées, pitouillant encore les genoux trop gros et les mollets trop petits pour prévenir du premier coup d'œil en sa faveur un auditoire féminin. Les femmes, à ce mot de famille, pensèrent à ce pauvre Pitou, enfant orphelin, à ce pauvre abandonné qui, depuis la mort de sa mère, n'avait jamais mangé à sa faim. Et ce mot de famille, prononcé par ce garçon qui n'en avait pas, remua chez plusieurs d'entre elles cette fibre si sensible qui ferme le réservoir des larmes. L'exorde achevé, Pitou commença la narration, cette deuxième partie du discours. Il dit son voyage à Paris, les émeutes des bustes, la prise de la Bastille et la vengeance du peuple. Il glissa légèrement sur la part qu'il avait prise au combat de la place du Palais-Royal et du faubourg Saint-Antoine. Mais moins il se vantait, plus il grandissait aux yeux de ses compatriotes, et à la fin du récit de Pitou, son casque était grand comme le dôme des Invalides, son sabre était haut comme le clocher d'Aramon. La narration achevée, Pitou en vint à la confirmation, cette délicate opération à laquelle Cicéron reconnaissait le véritable orateur. Il prouva que les passions populaires avaient été justement soulevées par les accapareurs. Il dit deux mots de messieurs Pitt, père et fils, il expliqua la révolution par les privilèges accordés à la noblesse et au clergé. Enfin, il invita le peuple d'Aramon à faire en particulier ce que le peuple français avait fait en général, c'est-à-dire à se réunir contre l'ennemi commun. Puis enfin, il passa de la confirmation à la péroraison par un de ces mouvements sublimes qui sont communs à tous les grands orateurs. Il laissa tomber son sabre et en le relevant, il le tira par mégarde du fourreau, ce qui lui donna le texte d'une motion incendiaire qui appelait aux armes les habitants de la commune par l'exemple des Parisiens révoltés. Les Aramontois enthousiastes répondirent énergiquement. La révolution fut proclamée et acclamée dans le village. Ceux de Villers-Cotterêts, qui avaient assisté à la séance, partirent le cœur gonflé de levain patriotique, chantant de la façon la plus menaçante pour les aristocrates, avec une sauvage fureur, « Vive Henri IV, vive ce roi vaillant !» Rouget de Lisle n'avait pas encore composé la Marseillaise, et les fédérés de 90 n'avait pas encore réveillé le vieux saïra populaire, attendu qu'on en était encore à l'an de grâce 1789. Pitou crut n'avoir fait qu'un discours. Pitou avait fait une révolution. Il rentra chez lui, se régala d'un morceau de pain bis et du reste de son fromage de l'hôtel du Dauphin, reste de fromage précieusement rapporté dans son casque, puis il alla acheter du fil de laiton, se fit des collets, et la nuit venue, il alla l'étendre dans la forêt. Cette même nuit, Pitou prit un lapin et un lapreau. Pitou aurait bien voulu tendre au lièvre, mais il ne trouva aucune passée, ce qui lui fut expliqué par ce vieil axiome des chasseurs, « Chien et chat, lièvre et lapin, ne vivent pas ensemble. » Il lui fallut faire 3 ou 4 lieues pour aller jusqu'à un canton giboyant à lièvre, et Pitou était un peu fatigué. Ses jambes avaient fait la veille tout ce qu'elles pouvaient faire dans une journée. Outre une quinzaine de lieues accomplies, elles avaient porté pendant les 4 ou 5 dernières un homme accablé de douleur et rien n'est aussi lourd pour de longues jambes. Vers 1 heure du matin, il rentra avec sa première récolte. Il espérait bien en faire une seconde au passé du matin. Il se coucha, conservant en lui un reste tellement amer de cette douleur qui, la veille, avait tant fatigué ses jambes qu'il ne put dormir que 6 heures de suite sur ce matelas féroce que le propriétaire lui-même appelait une galette. Pitou dormit 1 heure à 7 heures du matin. Le soleil le surprit donc, son volet ouvert et dormant. Par ce volet, 30 ou 40 habitants d'Aramon le regardaient dormir. Il se réveilla comme Turenne sur son affût, sourit à ses compatriotes et leur demanda gracieusement pourquoi ils venaient à lui en si grand nombre et de si grand matin. L'un d'eux prit la parole. Nous rapporterons fidèlement ce dialogue. C'était un bûcheron nommé Clotelier. « Ange Pitou, dit-il. Nous avons réfléchi toute la nuit. Les citoyens doivent en effet, comme tu nous l'as dit hier, s'armer pour la liberté. Je l'ai dit, dit Pitou d'un ton ferme et qui annonçait qu'il était prêt à répondre de ses paroles. Seulement pour nous armer, il nous manque la chose principale. Laquelle, demanda Pitou avec intérêt, des armes. Ah, c'est encore vrai, dit Pitou. Nous avons cependant assez réfléchi pour ne pas perdre nos réflexions, et nous nous armerons à tout prix. Quand je suis parti, dit Pitou, il y avait 5 fusils dans Ramon. 3 fusils de munitions, un fusil de chasse à un coup et un autre fusil de chasse à 2 coups. Il n'y en a plus que 4, répondit l'orateur. Le fusil de chasse a crevé de vieillesse il y a un mois. C'était le fusil de Désiré Maniquet, fit Pitou. Oui, et même il m'a emporté 2 doigts en crevant, dit Désiré Maniquet en élevant au-dessus de sa tête sa main mutilée. Et comme l'accident m'est arrivé dans la garenne de cet aristocrate qu'on appelle Monsieur de Lompré, les aristocrates me paieront cela. Pitou inclina la tête en signe qu'il approuvait cette juste vengeance. « Nous avons donc 4 fusils seulement, » reprit Claude Tellier. « Eh bien, avec 4 fusils, dit Pitou, vous avez de quoi armer déjà 5 hommes. Comment cela ?»« Oui, le 5e portera une pique. C'est comme cela à Paris. Par 4 hommes armés de fusils, il y a toujours un homme armé d'une pique. C'est très commode, les piques. Ça sert à mettre les têtes qu'on en a coupées. »« Oh !» fit une grosse voix réjouie. « Faut espérer que nous n'en couperons pas de têtes. » « Non, » fit gravement Pitou, « si nous avons repoussé l'or de messieurs Pitt, père et fils. Mais nous en étions au fusil. Demeurons dans la question, comme dit M. Bailly. Combien d'hommes en état de porter les armes à Ramon ? Vous vous êtes compté ? Oui. Et vous êtes ? Nous sommes 32. C'est donc 28 fusils qui manquent. Jamais on ne les aura, » dit le gros homme au visage réjoui. « Ah, » dit Pitou, « il faut savoir, Boniface. » « Comment il faut savoir ?»« Oui, je dis qu'il faut savoir parce que je sais. »« Que sais-tu ? » ?»« Je sais qu'on peut s'en procurer. »« S'en procurer ? » ?»« Oui. » Le peuple parisien n'avait pas d'armes non plus. Eh bien, M. Marat, un médecin très savant, mais très laid, a dit au peuple parisien où il y avait des armes. Le peuple parisien était où avait dit M. Marat, et il en a trouvé. « Et où M. Marat avait-il dit d'aller ?» demanda Désiré Maniquet. « Il avait dit d'aller aux Invalides. »« Oui, mais nous n'avons pas d'Invalides à Ramon. » « Moi, je sais un endroit où il y a plus de 100 fusils, » dit Pitou. « Et où cela ?»« Dans une des salles du collège de l'abbé Fortier. » « L'abbé Fortier a 100 fusils ?»« Il veut donc armer ses enfants de cœur, ce gueux de Calotala, » dit Claude Tellier. Pitou n'avait pas une profonde affection pour l'abbé Fortier. Cependant, cette violente sortie contre son ancien professeur le blessa profondément. « Claude, » dit-il, « Claude. » « Eh bien, après ?» « Je n'ai pas dit que les fusils fussent à l'abbé Mortier, j'ai dit que les fusils étaient chez l'abbé Fortier. »« S'ils sont chez lui, ils sont à lui. » »« Ce dilemme est faux, Claude. »« Je suis dans la maison de Bastien Godinet, cependant la maison de Bastien Godinet n'est pas à moi. »« C'est vrai, » dit Bastien, répondant, sans que Pitou eût même eu besoin de lui faire un appel particulier. « Les fusils ne sont donc pas à l'abbé Fortier, » dit Pitou. « À qui sont-ils donc alors ? À la commune. » S'ils sont à la commune, comment sont-ils chez l'abbé Fortier ? Ils sont chez l'abbé Fortier parce que la maison de l'abbé Fortier est à la commune, qui le loge parce qu'il dit la messe et qu'il instruit gratis les enfants des pauvres citoyens. Or, puisque la maison de l'abbé Fortier appartient à la commune a bien le droit de réserver dans la maison qui lui appartient une chambre pour mettre ses fusils. Ah ! C'est vrai, dirent les auditeurs, la commune a ce droit-là. « Eh bien, voyons, après, comment nous procurerons-nous ces fusils ?» dit. La question embarrassa Pitou qui se gratta l'oreille. « Oui, dis vite, » fit une autre voix, « il faut que nous allions travailler. » Pitou respira. Le dernier interlocuteur venait de lui ouvrir une échappatoire. « Travailler ?» s'écria Pitou. « Vous parlez de vous armer pour la défense de la patrie et vous pensez à travailler ?» Et Pitou ponctua sa phrase d'un rire tellement ironique et méprisant que les Aramontois se regardèrent humiliés. « Nous sacrifierions bien encore quelques journées s'il le fallait absolument, » dit un autre, « pour être libre. »« Pour être libre, » dit Pitou, « ce n'est pas une journée qu'il faut sacrifier, c'est toutes ces journées. » « Alors, » dit Boniface, « quand on travaille pour la liberté, on se repose. »« Boniface, » répliqua Pitou d'un air de Lafayette irrité, « ceux-là ne sauront jamais être libres qui ne savent pas fouler aux pieds les préjugés. » « Moi, » dit Boniface, « je ne demande pas mieux que de ne pas travailler, mais comment faire pour manger ?»« Est-ce que l'on mange ?» riposta Pitou. « À Ramon, oui, on mange encore. Est-ce qu'on ne mange plus à Paris ?»« On mange quand on a vaincu les tyrans, » dit Pitou. « Est-ce que l'on a mangé le 14 juillet ? Est-ce que l'on pensait manger ce jour-là ? Non, on n'avait pas le temps. »« Ah !» dirent les plus zélés, « ce devait être beau, la prise de la Bastille. »« Manger ?» continua dédaigneusement Pitou. « À boire, je ne dis pas, il faisait si chaud, et la poudre à canon est si âcre. Mais que buvait-on? Ce qu'on buvait? De l'eau, du vin, de l'eau de vie. C'étaient les femmes qui s'étaient chargées de ce soin. Les femmes, oui, des femmes superbes, qui avaient fait des drapeaux avec le devant de leur robe. Vraiment? Firent les auditeurs émerveillés. Mais enfin, le lendemain, continua Sceptique, on a dû manger. Je ne dis pas non, fit Pitou. Alors, reprit Boniface triomphant, si l'on a mangé, on a dû travailler. Monsieur Boniface, répliqua Pitou, vous parlez de ces choses-là sans les connaître. Paris n'est pas un hameau. Il ne se compose pas d'un tas de villageois routiniers adonnés aux habitudes du ventre. Obediencia ventri, comme nous disons en latin, nous autres savants. Non, Paris, comme dit monsieur de Mirabeau, c'est la tête des nations. C'est un cerveau qui pense pour le monde entier. Un cerveau, cela ne mange jamais, monsieur. C'est vrai, pensèrent les auditeurs. Et cependant, dit Pitou, le cerveau qui ne mange pas se nourrit tout de même. Alors, comment se nourrit-il? Demanda Boniface. Invisiblement, de la nourriture du corps. Ici, les Armontois cessèrent de comprendre. Explique-nous cela, Pitou, demanda Boniface. C'est bien facile, dit Pitou. Paris, c'est le cerveau, comme je l'ai dit. Les provinces, ce sont les membres. Les provinces travailleront, boiront, mangeront, et Paris pensera. Alors je quitte la province et vais à Paris, dit le sceptique Boniface. Venez-vous à Paris avec moi, vous autres? Une partie de l'auditoire éclata de rire et parut se rallier à Boniface. Pitou s'aperçut qu'il allait être discrédité par ce railleur. Allez-y donc à Paris, s'écria-t-il à son tour, et si vous y trouvez une seule figure aussi ridicule que la vôtre, je vous achète des lapros comme celui-là à 1 louis la pièce. Et d'une main, Pitou montra son lapro, tandis que dans l'autre, il faisait danser sonner les quelques louis qui lui restaient de la munificence de Gilbert. Pitou fit rire à son tour, sur quoi Boniface se fâcha tout rouge. Hé, mon Pitou, tu fais bien le pharo de nous appeler ridicules. Ridicule tu es, fit majestueusement Pitou. Mais regarde-toi donc, dit Boniface. J'aurais beau me regarder, répondit Pitou, je verrais peut-être quelque chose d'aussi laid que toi, mais jamais quelque chose d'aussi bête. Pitou avait à peine achevé que Boniface, on est presque picard, à Ramon, lui avait allongé un coup de poing que Pitou parra adroitement avec son œil, mais auquel il riposta par un coup de pied tout parisien. Ce premier coup de pied fut suivi d'un second qui terrassa le sceptique. Pitou s'inclina vers son adversaire comme pour donner à sa victoire les suites les plus fatales, et chacun se précipitait déjà au secours de Boniface lorsque Pitou se relevant. « Apprends, dit-il, que les vainqueurs de la Bastille ne se battent pas à coups de poing. J'ai un sabre, prends un sabre et finissons. » Sur ce, Pitou dégaina, oubliant ou n'oubliant pas qu'il n'y avait à Ramon que son sabre et celui du garde champêtre, d'une coup des moins longs que le sien. Il est vrai que pour établir l'équilibre, il mit son casque. Cette grandeur d'âme électrisa l'assemblée. Il fut convenu que Boniface était un maroufle, un drôle, un crétin digne de prendre part à la discussion des affaires publiques. En conséquence, on l'expulsa. « Vous voyez, dit alors Pitou, l'image des révolutions de Paris, comme l'a dit M. Prudhomme ou Loustalot, je crois que c'est le vertueux Loustalot. Oui, c'est lui, j'en suis sûr. Les grands ne nous paraissent grands que parce que nous sommes à genoux. Levons-nous. » Cette épigraphe n'avait pas le moindre rapport avec la situation, mais peut-être à cause de cela même fit-elle un effet prodigieux. Le sceptique Boniface, qui était à 20 pas de là, en fut frappé et revint humblement dire à Pitou « Il ne faut pas nous en vouloir, Pitou, si nous ne connaissons pas la liberté aussi bien que toi. »« Ce n'est pas la liberté, dit Pitou, ce sont les droits de l'homme. » Autre coup de massue avec lequel Pitou terrassa une seconde fois l'auditoire. « Décidément, Pitou, dit Boniface, tu es un savant. » Et nous te rendons hommage. Pitou s'inclina. Oui, dit-il, l'éducation et l'expérience m'ont placé au-dessus de vous, et si tout à l'heure je vous ai parlé un peu durement, c'est par amitié pour vous. Les applaudissements éclatèrent. Pitou vit qu'il pouvait se lancer. Vous venez de parler de travail, dit-il, mais savez-vous ce que c'est que le travail? Pour vous, le travail consiste à fendre du bois, à couper la moisson, à ramasser de la faine, à lier des gerbes, à mettre des pierres sur des pierres et à les consolider avec du ciment. Voilà ce que c'est que le travail pour vous. À votre compte, je ne travaille pas, moi. Eh bien, vous vous trompez. À moi seul, je travaille plus que vous tous, car je médite votre émancipation, car je rêve à votre liberté et à votre égalité. Un seul des mêmes moments, vous donc sent de vos journées. Les bœufs qui labourent font tous la même chose, mais l'homme qui pense surpasse toutes les forces de la matière. À moi seul, je vous vaux tous. Voyez, monsieur de Lafayette, C'est un homme mince, blond, pas beaucoup plus grand que Claude Tellier. Il a le nez pointu, de petites jambes et des bras comme les bâtons de cette chaise. Quant aux mains et aux pieds, ce n'est pas la peine d'en parler. Autant vaut n'en pas avoir. Eh bien, cet homme, il a porté deux mondes sur ses épaules, un de plus qu'Atlas, et ses petites mains, elles ont brisé les fers de l'Amérique et de la France. Or, puisque ses bras ont fait cela, les bras comme des bâtons de chaise, jugez de ce que peuvent faire les miens. Et Pitou exhiba ses bras noueux comme des troncs de houx. Et sur ce rapprochement, il s'arrêta, certain d'avoir produit, sans rien conclure, un effet immense. Il l'avait produit.